France Inter. À 4 minutes de 9h. Bonjour François Morel, c'est à vous. Bonjour. Cette chronique s'adresse au président Macron. Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République. Si par hasard, vous n'êtes pas le président Macron, ce qui peut arriver, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Profitez-en pour aller sur RTL. Laurent Gérard, justement, présente en ce moment toute une nouvelle série d'imitations en prise avec l'actualité. Roger Gicquel, Raymond Souplex, Roger Lanzac et Raymond Oliver dans sa fameuse émission Art et Magie de la cuisine avec Catherine Langer. Président. J'ai un petit reproche à vous faire. Enfin, si je cherchais, je pourrais peut-être en trouver plusieurs, mais mon temps de parole est limité. Autant dire que je suis obligé de faire un tri. Voilà. Attention, je ne dis pas que je sais mieux que tous les autres. Ne le prenez pas mal, ne soyez pas susceptible, mais vous n'êtes pas quand même non plus exempt de toute critique. L'autre fois, au Familistère de Guise, dans l'Aisne, vous avez serré la main de Xavier Bertrand pendant 2 minutes et 30 secondes. 2 minutes et 30 secondes, quasiment le temps de ma chronique. Parfois, ça semble court, mais des fois, on sent le temps passer. Non, objectivement, président, 2 minutes et 30 secondes pour une poignée de main, c'est trop. Ce que j'en dis, c'est pour vous. Dans quelques années, quand on se souviendra de votre présidence, on dira « Vous savez, Macron, c'est le gars qui serrait la louche des gars sans jamais la lâcher. » C'est dommage, je suis pas très fin psychologue, mais j'ai quand même l'impression que vous auriez peut-être l'ambition de laisser une autre trace dans l'histoire. Vous aviez déjà fait le coup de la poignée de main interminable avec Trump, compétition de testostérone, concours de bites, c'était un peu puéril, mais on était en mai 2017 et la pandémie de coronavirus, on n'en avait encore jamais entendu parler. Mais là, c'est différent. Je sais bien que lorsqu'on est à l'Élysée, on est forcément un peu coupé des réalités quotidiennes de ses contemporains, mais quand même, quand vous lisez votre prompteur en faisant vos annonces, vous devez bien faire attention à ce que vous dites. La prescription concernant les gestes barrières, c'est pour tout le monde, président. Regardez la page du ministère de la Santé. Saluer sans serrer les mains et arrêter les embrassades. Alors c'est bien, vous n'avez pas fait de bisous à Xavier Bertrand, mais quand même vous lui avez serré la main. Comment voulez-vous qu'on tienne compte des recommandations de votre ministre Véran si non seulement vous ne respectez aucune distance, mais vous leur tenez la paluche pendant 2 minutes 30? C'est pas comme ça que vous allez endiguer la 5e vague. Le français moyen, faut se mettre à sa place de temps en temps. Il aimerait mieux avoir des exemples que des injonctions. Après tout, président, ce que je vous dis, c'est pas une injure, mais demandez-vous de temps en temps si, dans le fond, vous ne seriez pas un homme comme un autre. À propos, quand vous verrez votre premier ministre testé positif, souhaitez-lui, de loin, un prompt rétablissement de ma part. Merci, François Morel. France Inter.